Allez, on enchaîne avec le numéro 2. On prend les mêmes, on change de décor et on recommence. Cette fois, Kevin n'est pas oublié chez lui, mais se trompe d'avion et se retrouve seul à New York. À la place du vieux avec sa pelle, c'est une vieille avec des pigeons. Et cette fois, Kevin ne défend pas sa maison, mais une bonne cause. Et il va retrouver nos deux affreux neuneux. Si vous pensez qu'ils ont morflé dans le premier opus, vous n'avez encore rien vu. Cette fois, l'apprenti psychopathe lâche les chevaux et nous offre mille et une façons de tuer notre prochain. Électrocution hardcore, essence dans les chiottes, juste après avoir chalumé l'intrus, ou encore le pistolet à clous dans les pompons. Heureusement pour eux qu'ils sont plus résistants qu'intelligents. Pour le reste, on ne change pas une équipe qui gagne, Noël, bon sentiment et gentil moral. Mais ça marche toujours sur moi et mes gosses.